Trois ans après les plaideurs de Racine, nous sommes toujours sous Louis XIV, monarque absolu du droit divin. Molière, après avoir créé Harpagon, Don Juan, Tartuffe, Alceste, se lance à nouveau dans cette étrange entreprise de faire rire les honnêtes gens avec ses fourberies de Scapin. Scapin est le valet de Léandre, fils de Géronte. Léandre a besoin d'argent pour retrouver la fille qu'il aime. Scapin se fait fort de soutirer à Géronte l'argent nécessaire.